Bismillah, la louange est à Allah, nous le louons, implorons son aide et lui demandons pardon, et nous nous protégeons auprès de lui du vice de nos personnes et de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, point d'égarement pour lui, et celui qui l'égare, point de guidé pour lui. Et je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah l'unique. Et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager. Inch'Allah, nous allons voir le statut de l'alliance avec les mécréants contre les musulmans. Le statut de l'alliance avec les mécréants contre les musulmans. Allah, il a dit dans son livre, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Sourate 5, verset 51. L'imam At-Tabari, rahimahullah, il a dit dans l'interprétation de ce verset, que vous trouvez dans son tafsir, et la vérité pour nous, concernant ce verset, est qu'Allah a interdit à tous les croyants de prendre les juifs et les chrétiens comme alliés contre ceux qui croient en Allah et en son messager. Et Allah nous informe que celui qui les prend pour alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, est des leurs, à cause de sa prise de parti contre Allah, son messager et les croyants, et que par conséquent, Allah et son messager se désavouent de lui. Allah et son messager se désavouent de lui. L'imam Al-Qurtubi, dans le tafsir du même verset, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il dit que cette parole signifie « Celui qui les soutient contre les musulmans est des leurs, et sa sentence est la même que la leur. » Celui qui les soutient contre les musulmans est des leurs, et sa sentence est la même que la leur. Et maintenant, nous allons passer aux paroles des savants du Nejd. Et parmi les savants de Nejd, il y en a un qui a, en expliquant certaines choses, parmi lesquelles chacune justifie le djihad contre celui qui la commet. La parole qui se trouve dans Fatawa Nejdiya, volume 4, pages 145 à 146. Le Cheikh Rahimahullah, il dit, la troisième chose qui rend le djihad obligatoire contre celui qui la commet est le fait d'aider les polythéistes contre les musulmans, que ce soit avec la langue, le cœur ou les biens. Ceci est une mécréance qui annule l'islam. Alors, quiconque aide les polythéistes contre les musulmans et les soutient avec ses biens qui vont servir dans la guerre contre les musulmans devient un mécréant. Ensuite, le cheikh, il cite une parole. Il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit dans Nawaqid ou l'Islam que la huitième annulation de l'islam est aider les mécréants contre les musulmans. Allah a dit, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Donc, je répète, c'est dans Fatawa Nejdiya, volume 4, pages 145 à 146. Le petit-fils à Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, a dit dans Adura Rassaniya, volume 8, page 326. Écoutez bien cette parole, elle est très claire et très courte. Celui qui aide les mécréants contre les musulmans, ou les entraîne vers un pays où le peuple est musulman, sort de l'islam. Ceci est un fait clair. Fin de la citation. Et pour terminer, Abdullah ibn Hamid, rahimahullah, a dit dans Adura Rassaniya, volume 15, page 479, celui qui s'allie avec les mécréants et les aide à vaincre les musulmans sort de l'islam, et il faut le juger avec les règles de l'apostat, comme l'a montré le Coran et la Sunna. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.